ce qui fuit. Je roulais tout seul sur tes traces, sur le chemin qui sillonne. T'as avalé ton lac, ton royaume. J'ai pas envie de partir, je m'éloigne trop de toi. Sur la terre haut des volcans, pas de flamme plus chaude que toi. Yeah.